Vous croyez en quoi, vous ? Je suis pas payé pour croire. Je suis payé pour tout faire péter. Je suis payé pour tout faire.